Bonsoir, merci d'être présent pour cette nouvelle conférence du cycle de la poésie contemporaine. Donc aujourd'hui, quelque chose d'un tout petit peu spécial que fait Alain Giffard, c'est pas spécifiquement sur la poésie, c'est sur la lecture, et notamment la lecture numérique. Donc Alain Giffard, je vais enlever mes lunettes pour pouvoir lire, parce qu'il a beaucoup de titres que je ne connais pas. Et donc actuellement directeur du groupement d'intérêt scientifique, culture et médias numériques. Donc il a été responsable de la conception du poste de lecture, notamment à la Bibliothèque nationale de France, et président de la mission interministérielle pour l'accès public à l'Internet. Il est animateur de l'association, enfin il anime l'association Ars Industrialis, créée par Stigler, et le président de la famille Lille. Donc on est tous nombreux de millions, c'est-à-dire parmi nous. Voilà, donc parmi ces dernières publications, il y a le livre écrit à trois qui s'appelle Sur la mi-croissance, pour en finir pendant avec la mi-croissance, et il y a un livre qui vient de sortir chez un traducteur que je ne connais pas. Colette, comment ça s'appelle ? Esthétique et société. Voilà, esthétique et société. Excusez-moi, parce qu'on n'avait même pas marqué sur ce petit 4 pages qui présentait Alain Giffard. Donc voilà, et de temps en temps, il participe et on est très heureux à la revue CCP où il a écrit des articles sur Guy Debord, sur Pascal Quignard, qui est peut-être sur quelqu'un d'autre. Ah oui, sur le manifeste Hacker. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Lorsqu'Emmanuel Ponsard m'a fait l'amitié de me proposer d'intervenir dans ce cycle de conférences, il m'a dit que tu pourrais présenter donc ce livre, l'essai des lectures industrielles, qui est dans le livre pour entrer dans la croissance que j'ai écrit avec Bernard Stigler et Christian Fauré, qui sont deux compagnons d'Ars Industrielles. Ce texte, je l'avais écrit presque un an avant. Et en fait, je suis en train de travailler sur un autre livre qui est un livre sur la lecture comme technique de soi, dont la figure principale est un maître de lecture du XIIe siècle qui s'appelle Luc de Saint-Victor. Alors je lui dis, écoute, je vais faire quelque chose qui sera entre les deux, c'est-à-dire que je vais faire une introduction à un livre qui est déjà paru et une introduction à un livre qui n'est pas encore écrit. Donc je vais essayer de faire les deux choses en même temps. Le titre de cette conférence, c'est Euse Google, nouveauté dans l'art de la lecture. Robot. Le grand robot de lecture scanne et crawl et indexe l'immensité du texte numérique. Alors je voudrais ici cristalliser et rendre sensible une nouveauté que je crois très importante dans notre manière de lire. C'est une vraie nouveauté et elle est très importante. Il ne s'agit pas simplement d'une lecture équipée par l'informatique, comme est la lecture numérique, ni d'une lecture de texte numérisé ou numérique. Il s'agit de l'imbrication, de l'association de notre lecture en tant que lecture humaine, en tant que lecture faite par les hommes, avec la lecture des robots. Enfin, j'assume ce côté science-fiction, l'entrée sur ce sujet. Je ne disais pas ça avant, mais je pense que maintenant il faut penser notre manière d'être avec les robots, et en particulier la manière dont nos lectures se combinent avec les lectures des robots. Alors, qu'est-ce qu'un robot de lecture ? C'est un automate qui fait des actes de lecture. C'est le premier point. Scanner, dans le sens ici du robot de lecture de Google, ça veut dire parcourir le texte numérique ou le texte numérisé. Donc c'est le lire, hein, lettre à lettre, en le codant de manière alphanumérique. crawler, ça désigne ce que fait le robot quand il est devant un lien hypertextuel. Est-ce qu'il suit le lien, est-ce qu'il ne suit pas le lien, comment il va se débrouiller pour passer d'un fragment de texte à un autre fragment de texte par l'intermédiaire des liens. On utilise ce mot de crawler. Bon, et indexer, vous savez tout ce que c'est typiquement une opération de lecture. Hein. C'est classiquement une opération de lecture qui consiste à mettre des résumés de texte. Au Moyen-Âge, on appelait ça la brièvité, la brièvitas, pour représenter le texte. Donc ça, ce robot fait des actes de lecture. Mais en même temps, nous ne sommes pas en face de ce robot au travail. C'est ça la différence avec la science-fiction. L'homme ne voit pas travailler la machine à lire. La machine à lire n'est pas un média. Le robot de lecture ne communique pas directement avec l'homme. Il lui adresse ses textes de lecture innombrables, furtifs et défectueux, mais produits à l'image des textes de l'homme. Donc, nous lisons les lectures du robot, nous lisons ces lectures, nous lisons ce que j'appelle des textes de lecture, en même temps que nous lisons des textes humains. Et notre lecture numérique maintenant, c'est l'entrelacement de cette lecture des textes du robot avec les textes humains. Alors un texte de lecture, qu'est-ce que c'est ? Un texte de lecture, c'est une notion qui n'est pas courante. Ce que j'appelle texte de lecture, c'est un métatexte, c'est-à-dire un texte qui ne peut pas exister s'il n'y a pas un texte qui est la base de ce texte. Alors les spécialistes, les informaticiens, parlent de métadonnées. J'aime pas beaucoup ce mot de métadonnées parce que je ne comprends pas le texte, quel qu'il soit, simplement comme un ensemble, comme un bloc de données, de data. Et en plus parce que ces métadonnées du robot, il est extrêmement important de penser le fait qu'ils sont reconstitués. Un peu comme les charcutiers reconstituent des lapins en gelée, vous savez, ils sont en morceaux, après on vous les reconstitue. Ils sont reconstitués sous la forme d'un texte humain. Et ils singent les textes des hommes. Donc on n'a jamais accès réellement aux métadonnées. On a accès à des métadonnées qui ont un air, qui ont une allure de texte humain. Alors qu'est-ce que c'est donc qu'un texte de lecture? De manière élémentaire, c'est ce qu'on fait quand on coche, quand on surligne, quand on souligne. Et puis, de manière plus assurée, c'est ce qu'on fait quand on commence à gloser. Le grand robot de lecture, c'est un inlassable glossateur. Qu'est-ce que c'est qu'une glose? Je suis un moine du Xe siècle, je suis en train de recopier un texte manuscrit, j'ai du mal à identifier le mot, et je vais mettre un petit quibi pour expliquer que le mot, eh bien, je comprends que c'est ce mot-là. J'en suis pas vraiment sûr et je comprends qu'on peut l'interpréter dans tel ou tel sens, comme un auteur dont je me souviens a pu le faire dans un autre texte. Glose intralinéaire ou glose marginale hein, qui accompagne le texte. Ça, c'est de la glose, c'est du métatexte. Si cette glose vous est présentée sans le texte qu'elle annote, qu'elle commente, ça n'a pas de sens. Et puis, on peut passer de la glose au glossaire. Le glossaire, qu'est-ce que c'est ? Bien, le glossaire, je sers mes gloses, comme dit l'autre, c'est-à-dire que je vais prendre les mots dans un ordre alphabétique et je vais renvoyer à l'ensemble des gloses. Et donc de la glose ou glossaire, j'ai le passage du texte de lecture à un texte d'écriture. Alors pour approcher ce texte de lecture, non pas en général, mais comme texte de lecture du robot, par exemple du robot Google, j'emprunte un exemple à un ami avec qui j'ai travaillé, américain, qui s'appelle Jeffrey Nunberg, à propos de Google Books. Et on est en plein dans la polémique actuelle, puisque c'était Nunberg qui a raconté cette histoire d'une réunion à Berkeley fin août. Si vous interrogez, avant que Nunberg ne le fasse remarquer, Google Books sur le navigateur Mosaic. Mosaic est le premier des navigateurs sur le web. Eh bien, vous trouvez en anglais un livre, Mosaic Navigator, The Art of Human Computer Interface, un truc comme ça. Deux auteurs, Sigmund Freud et Elizabeth Jones. Alors, c'est un peu curieux que Freud soit un spécialiste du web. Alors, l'explication, c'est que Elizabeth Jones est la traductrice en anglais du livre de Freud sur Moïse et le monothéisme. Et donc le robot a été chercher Moïse, monothéisme, Moïse mosaïque, loi mosaïque, et puis il a donné Sigmund Freud comme auteur d'un livre d'informatique sur le navigateur mosaïque. Alors, sans entrer dans la technologie, on peut dire que le robot lit, mais qu'il ne sait pas ce qu'est un livre et ne sait pas ce que c'est qu'un auteur. Sur Google Book, pour ce que vous croyez être un auteur, vous aurez les livres de l'auteur, les livres qui parlent de l'auteur, les livres qui parlent de la personne qui se trouve être par ailleurs un auteur, avec un mélange d'homonymes. Donc vous avez, c'est très très différent d'un catalogue de bibliothèque. Ce qui nous renvoie, ou ce qui introduit, la notion de citation. Larry Page, qui est un des deux patrons de Google, un des deux membres fondateurs, c'est celui qui est le plus curieux. Lors de sa présentation initiale, bon, très jeune, du projet de Google à Stanford, avait accordé une grande importance à la notion de citation et à la pratique de citation, dont il faisait une équivalence avec le lien hypertextuel. Alors, citer, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on cite? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que citer étymologiquement? Ça vient de citéo. Citer, c'est à la fois mettre en mouvement et appeler, nommer. Lorsque je cite, j'appelle un auteur et je mets en mouvement son texte. Alors, très banalement, citer chez les Romains, c'était AOM, hein, c'était ça. C'était dire quelque chose pour pousser. D'où inciter. Hein. Inciter, c'est. Je donne au passage, que ce soit totalement hors sujet, mais j'ai trouvé ça joli. Le inciter, le in de inciter peut être une inversion, hein, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas mettre en mouvement. Et l'incita, en latin, c'est le nom de la pièce qui est mise en échec. L'incita, c'est la pièce qui est mise en échec parce qu'on ne peut plus la bouger, on ne peut plus la déplacer. Alors aujourd'hui en français, la citation a gardé les deux sens de l'origine. D'abord, donner le nom et recopier. Ça, c'est le sens littéraire, et puis aussi appeler sur la place publique, citer à comparaître, citer à l'ordre de la nation. C'est pas du tout la même chose. Si on crie un nom, la personne sort. C'est ça, la citation. Et le robot ne sait pas faire la distinction. Le robot ne sait pas citer. Voilà. C'est une notion de très, très simple, c'est que alors que le moteur est fondé sur la notion de citation, le robot en tant que tel, il ne sait pas citer. Lectures industrielles. J'essaie de donner une définition de cette notion de lectures industrielles que j'ai donc introduit dans le livre pour en finir avec la mécroissance. Premièrement, l'activité du robot de lecture, ses actes de lecture, scanner, crawler, indexer. Les produits dérivés de cette activité, les textes de lecture en langage humain. L'association des lectures humaines et des lectures machiniques. La commercialisation des lectures humaines définies comme HIT. Dans le sens de hit parade. Les économistes définissent le modèle de Google comme un marché double face. D'un côté, échange gratuit entre les écritures-lectures et l'instrument d'accès, le moteur de recherche. C'est ce que nous faisons, nous, quand nous utilisons Google. Nous sommes de ce côté-là du marché double face. Nous échangeons nos lectures, nos écritures contre l'instrument d'accès. Et de l'autre, revente à la publicité, au marketing de ces espaces d'écriture ou de lecture par l'intermédiaire de ce logiciel de publicité qui s'appelle AdWords. Mais au-delà, Google dispose de ce qu'on appelle des cookies, des petits programmes qui lui permettent de pister vos activités de lecture, de les transformer en NIT et donc de les commercialiser. On ne peut pas échapper à ça. L'espace de lecture industrielle est devenu un espace commercial. Et même si vous êtes en contenu, en Creative Commons, du type logiciel libre, que vous ne faites aucune place à la publicité sur ce que vous publiez sur Internet, néanmoins, quand quelqu'un fait une recherche et qui tombe sur votre blog, sur votre web, sur n'importe quoi, Néanmoins, vous êtes le support, vous êtes à tête de gondole des publicités qui sont placées soit au début, soit sur la colonne de droite. L'espace de lecture industrielle est le face-à-face des industries de lecture et des publics de lecteurs. L'industrie de la lecture. L'industrie de la lecture. Ce n'est pas une industrie dont les activités auraient un effet sur la lecture. C'est directement un processus d'industrialisation de la lecture. J'emploie le mot industrialisation de manière tout à fait volontaire, et on peut d'ailleurs remarquer les aspects tout à fait traditionnels de cette industrie. Je vais citer par exemple, Christian Fauré en parle beaucoup dans le livre, le fait que les serveurs numériques de Google consomment tellement d'électricité qu'il faut les placer au bord des rivières pour leur permettre de réchauffer. On dit que c'est de l'immatériel, mais c'est de l'immatériel qui est très physique. Donc industrie. Cette industrie, c'est l'industrie de l'information, plus l'industrie du marketing, plus l'industrie culturelle. Mais à la différence des autres industries culturelles, la Kulturindustrie telle qu'elle a été étudiée par exemple par l'école de Francfort, c'est une industrie de l'accès, c'est une industrie de la lecture, plutôt qu'une industrie de la publication, une industrie de l'écriture. C'est vrai y compris pour la numérisation. Quand Google numérise, ils ne font pas de la publication, ils partent de l'accès, ils partent de la lecture pour permettre l'accès au texte. L'industrie de la lecture, donc, entreprend la commercialisation de toutes les lectures, sous le slogan de l'accès à toute l'information, et elle entreprend aussi la commercialisation des lecteurs. C'est ça le noyau de cette économie à double face que j'ai rappelée. Mélété, méditation. Mélété veut dire soin, souci, sollicitude. Et aussi action de s'occuper de, pratique, exercice, exercice de préparation oratoire. Et puis Mélélia veut dire soin, surveillance, gouvernement, administration. Et puis Mélélia est construit sur Mélété comme surveiller à partir de veiller. Hein, c'est à peu près équivalent en grec. Et puis Mélélia et Hutu veut dire soin, souci de soi. Le souci de soi se constitue à travers des pratiques. Michel Foucault, qui à la fin de sa vie a construit ces notions de technologie de soi et de culture de soi, cite les arts de soi-même, la pratique de soi, les techniques de soi, parmi lesquelles l'écriture de soi. Pierre Hadot, qui avait inspiré Foucault sur ce point, parle d'exercice spirituel, préparant un art de vivre, un style de vie. Le soin repose sur l'exercice, d'abord c'est une pratique. Et pour Hadot, la philosophie elle-même, c'est un grand exercice. Le message de Hadot, c'est arrêtons de regarder la philosophie grecque comme des textes ayant des idées et d'étudier l'histoire de ces idées. Comprenons que la philosophie est un exercice. Parmi ces exercices, spirituels ou intellectuels, figure la lecture. Elle figure par exemple sur la liste canonique des exercices de soi, des techniques de soi, de Philon d'Alexandrie, le philosophe juif helléniste. Méditation. Méditation qui vient de médéor, de méditator, dont la racine est commune avec médecin, hein, veut dire réflexion, méditation, préparation, apprentissage, pratique habituelle. Méditation, le mot latin, traduit, mais l'était, le mot grec. Méditation, le mot latin, traduit, mais l'était, le mot grec. Alors c'est quelque chose qui est très souvent soulevé comme une question. On ne comprend pas comment mêlété, c'est-à-dire mêlété, c'est un mot simple, c'est un mot banal, c'est se mêler de, pas banal d'ailleurs, hein. C'est s'occuper de, c'est très courant comme mot. On ne comprend pas comment ce mot peut être traduit par un mot qui s'en met dans un registre de langage complètement différent, la méditation. Pierre Hadot, par exemple, dit « je ne comprends pas pourquoi les Romains ont traduit mêlété par méditation ». Mélété, c'est l'idée générale d'exercice, Mais c'est aussi un exercice précis. C'est plutôt un exercice précis. Et cet exercice précis, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avant de venir ici. C'est-à-dire, c'est la préparation d'une prestation orale, d'une intervention orale. Il y a donc une proximité entre cet exercice précis et l'autre exercice qui est la réflexion que l'on se fait sur une lecture que l'on vient d'entendre ou que l'on vient de faire. Et ça, chez les Romains, d'autant plus que la lecture était une lecture orale. Pour les Romains, c'était un peu pareil. Les gars, comme Cicéron, c'était un peu pareil. Préparer la plaidoirie, c'est un type d'exercice, et puis marcher en réfléchissant au texte qu'on vient de lire, ça semblait très proche. Et donc, mélété a pu être traduit par méditation. La tradition qui voit d'abord dans la lecture une technique de soi associe les deux exercices. Le premier, la lecture, préparant au deuxième la méditation. La lecture comme technique de soi, préparant et précédant la méditation, ça signifie que la lecture, ça ne consiste pas à aller chercher d'informations dans un texte. Ça signifie que la lecture, ça ne consiste pas, ou pas seulement, à comprendre un texte pour augmenter ses propres connaissances. Ça signifie que la lecture, ça ne signifie que même la lecture, ça ne signifie pas seulement interpréter un texte. Au-delà de la lecture du texte, il y a la réflexion. Et la lecture comme technique de soi, c'est un savoir de la réflexivité. Alors Sénèque va soumettre la lecture au souci de soi, une soumission générale. Augustin, le grand tournant, c'est il construit la figure du lecteur méditatif en associant lectio et méditatio. Le lecteur méditatif construit sa réflexion à partir d'une certaine manière de lire. Luc de Saint-Victor au Moyen-Âge associe lecture-méditation avec le passage par la mémoire. D'après Brian Stock, le Moyen-Âge voit apparaître deux formes de lecture ascétique, c'est-à-dire de lecture considérée comme un exercice spirituel, donc deux formes de lecture-exercice. La lectio divina en tant que telle, qui est la situation dans laquelle la lecture est articulée à la méditation sur ou à partir du texte, et la lectio spiritualis, qui est la situation dans laquelle la lecture est articulée avec une méditation sur l'état du sujet, l'état du lecteur après la lecture. Donc, deux branches, en quelque sorte, de cette association de la lecture et de la méditation. Et Stock fait l'hypothèse que, avec Pétrarque, la technique de lectio spiritualis, c'est-à-dire la méditation sur l'état subjectif, plutôt que sur le texte lui-même, est déplacée du corpus des textes, pour simplifier chrétien, vers les textes laïque, hein, vers les textes, l'ensemble des textes de la littérature non chrétienne, non chrétienne culturellement. Et donc, c'est à ce moment-là qu'est pris le tournant de ce que nous entendons, nous, par lecture littéraire. La lecture littéraire, c'est une manière de pouvoir, de savoir associer la lecture et la méditation sous ces deux formes, réflexion sur le texte et réflexion sur l'état subjectif du lecteur. Bon, vous voyez bien, je vais à toute vitesse hein, sur cette histoire et avec en concaténant des choses qui ne sont que des hypothèses, mais je vais donner ce cas. Mémoire, anamnèse, lecture. Les Grecs distinguent mnésis et anamnésis, les Latins memoria et reminiscentia. Donc, la lecture comme enregistrement et la lecture comme souvenir, comme sollicitation de ce qui est enregistré. Hugues de Saint-Victor a théorisé la place de la mémoire précisément afin d'organiser l'association entre la lecture et la méditation. La lecture de l'hypomnémata, de l'aide-mémoire, du livre extérieur, doit être organisée de telle manière qu'elle permet la memoria, c'est-à-dire l'enregistrement, d'une façon suffisamment satisfaisante pour que, lorsque le lecteur se livrera à la reminiscentia, ou à l'anamnèse en français, ou à l'anamnésis en grec, il pourra à ce moment-là méditer à partir de ce qu'il aura retenu des textes. Donc l'anamnèse, qui combine l'hypomnémata, l'aide à la lecture, et puis qui combine l'amnésis, la memoria, c'est cet exercice qui permet au lecteur non seulement de disposer au moment voulu du souvenir du texte lu, mais aussi, et c'est ça qui est important dans l'hypothèse de l'association de la lecture et de la méditation, de se situer comme sujet dans son propre palais de mémoire. Il n'est pas simplement dans un livre qui serait une sorte de copie, le livre de mémoire serait une sorte de copie du livre extérieur, de l'hypomnémata. Le livre de mémoire, c'est réellement le palais de mémoire du sujet, et c'est là qu'il fait ses opérations d'anamnèse. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en grec, la lecture se dit anagnose, anagnosis, c'est reconnaissance. Alors je vais maintenant faire quelques commentaires, en commençant, je vais faire trois commentaires, deux commentaires assez rapides de Sénèque et de Hugues de Saint-Victor, et un commentaire très long de Marcel Proust. Le commentaire de Sénèque, c'est la lettre 84 à Lucilius, que Michel Foucault définit comme un véritable traité de la lecture, ce qui moi me semble un peu exagéré. Enfin, c'était un texte très intéressant sur la lecture. Je ne quitte point mes lectures. Pour moi, les lectures sont de première nécessité. D'abord, elles empêchent que je me contente de mon fond. Et puis, en m'initiant aux recherches des autres, elles me mettent à même d'apprécier les découvertes faites et de réfléchir sur ce qui reste à faire. La lecture est l'aliment de l'esprit. La lecture est l'aliment de l'esprit. Quand l'étude, studium, quand l'étude l'a fatigué, l'esprit, quand l'étude l'a fatigué, elle le délasse, sans exclure pourtant toute étude. On ne doit pas plus se borner à écrire qu'on ne doit se borner à lire. La première de ces occupations déprimera, épuisera l'énergie, je parle du travail du style. L'autre lui ôtera sa trempe. Recourons tour à tour à l'une et à l'autre et tempérons l'une par le moyen de l'autre. Ce que nous avons récolté de nos diverses lectures, classons-le, les choses soigneusement classées se conservent mieux. Digérons la matière, autrement, elle passera dans notre mémoire, non dans notre intelligence. Elle passera dans notre mémoire, non dans votre intelligence. Alors, trois distinctions de Sénèque qui sont devenues des topoi sur la lecture. Bon, ils ne sont peut-être pas de manière absolument originale chez Sénèque, enfin, ils sont formulés dans ce texte systématiquement, et en ce sens-là, Foucault a raison de dire que c'est un traité de la lecture, peu de traité de la lecture chez les Grecs, hein. Donc ce texte de Sénèque est important. Il y a trois distinctions qui sont, que vous trouvez utilisées en permanence, hein, dans les articles de journaux aujourd'hui, dans les techniques documentaires, sur Internet. Les gens utilisent les topoi que Sénèque a créé à ce moment-là, avec trois distinctions. La première, c'est distinction lecture-étude, studium. Studium, c'est l'étude, c'est le zèle, c'est l'exercice. La lecture est un aliment, c'est une métaphore de la nourriture qui est présente dans tout le texte, ou des abeilles. C'est-à-dire que la lecture est une entrée et une relance du studium, de l'étude. Mais quelle étude ? De quelle étude on parle ? Alors, on peut parler de l'étude dans le sens de la classe d'études du soir, on peut parler de l'étude dans le sens des études scientifiques. Ici, il semble bien, et c'est conforme à la doctrine stoïcienne, que Sénèque parle de l'étude scientifique, qu'il se tarde, lui d'ailleurs, Sénèque de mener. Deuxième distinction, Lecture, écriture. On ne doit pas plus se borner à écrire qu'on ne doit se borner à lire. Ça, c'est le topos de l'économie de la lecture et de l'écriture qui est fondamental pour, dans le cas du numérique. Hein. C'est un truc non critiqué qu'on transmet dans les écoles sur ces sujets. Ce topos de l'économie de la lecture et de l'écriture, il a toutes sortes de versions. C'est vraiment quelque chose qui a connu un grand succès. Exemple, pour Hugues de Saint-Victor, il semble bien, dans un de ses textes, on a l'impression qu'on peut quantitativement, c'est une affaire quantitative, c'est de l'économie, écrire exactement la même quantité de textes que ce dont on se souvient. Si j'ai bien organisé mes mémoires, que mon palais de mémoire est bien organisé, eh bien j'écrirai exactement, même pas en proportion, j'écrirai la même quantité. Il y a un rapport, il y a une économie, il y a une balance entre l'écriture et la lecture. Vannevar Bush, dans As We May Think, qui est le texte qui est derrière l'hypothèse de l'hypertexte, derrière beaucoup de choses du point de vue de l'informatique, a créé cette idée que, attention, il ne faut pas lire tout, il ne faut pas lire n'importe comment. Le chercheur moderne est quelqu'un qui, s'il lit du début à la fin, et s'il lit tous les textes qu'on lui présente, c'est quelqu'un qui ne saura pas écrire, c'est quelqu'un qui... Et donc, l'écriture chez lui, chez Bush, dans ce texte fondamental pour l'informatique, va permettre de rééquilibrer la lecture. Troisième distinction, mémoire-intelligence, bon ça c'est un topos que vous avez repéré, qu'on connaît tous, hein, c'est le topos de la tête bien faite et de la tête bien pleine. Il y a eu d'autres versions comme l'opposition entre la mémoire mécanique et la mémoire intelligente. Pour Foucault, la lecture comme technique de soi, c'est la lecture-écriture. C'est une lecture qui est reprise dans une opération d'écriture. En tout cas, ce que pose Sénèque, et je vais m'arrêter avec ça pour lui, ce que pose Sénèque d'absolument fondamental, c'est que dans la conception de la lecture comme technique de soi, la lecture n'a pas sa propre finalité, elle est toujours un exercice qui prépare à un autre, et c'est cet autre qui lui est supérieur. Donc la conception la plus élevée, la plus exigeante de la lecture, c'est aussi celle qui en souligne les limites. Hugues de Saint-Victor le dit didascalicon. C'est donc un traité de lecture du XIIe siècle, personnage extrêmement important, dont je vais parler à Marseille depuis 3 ans, et je lis un passage sur la méditation. La méditation est une pensée accompagnée de réflexions qui recherche avec prudence la cause et l'origine, le mode et l'utilité de chaque chose. La méditation prend son départ dans la lecture, mais sans se contraindre à des règles ou des principes de lecture. Elle se plaît à parcourir un espace ouvert sur lequel elle plonge en toute liberté un regard aigu pour contempler la vérité. Il y a 4 points sur lesquels la vie des justes s'exerce aujourd'hui pour s'élever comme par degrés jusqu'à la perfection future. Ce sont la lecture ou étude, notez le déplacement de vocabulaire. Hein. Chez Sénèque, Sénèque veut penser l'articulation lecture-étude. Chez de Saint-Victor, c'est la même chose. Ce sont la lecture ou étude, la méditation, la prière, l'ouvrage c'est opus, la prière c'est oratio, vous raison. Le 5e en découle, c'est la contemplation. Dans ces 5 degrés, le premier, c'est-à-dire la lecture, est pour les commençants le plus élevé, c'est-à-dire la contemplation, pour les parfaits. Quant au degré intermédiaire, plus on en aura gravi, plus on sera parfait. Par exemple, le premier, la lecture donne l'intelligence, le second, la méditation fournit le jugement, le troisième, la prière demande, oratio, c'est demander. Le 4e, l'ouvrage. Cherche, le 5e, la contemplation, trouve. On retrouve le même principe d'une subordination de la lecture, de la lectio à la méditatio. Chez Hugues de Saint-Victor, elle passe, comme je l'ai dit, par la mémoire qui permet d'organiser le livre de mémoire qui sera parcouru dans la méditation. Alors, il y a une hiérarchie, mais cette hiérarchie ne signifie pas que chaque opération, chaque fonctionnalité, est discrétisé par rapport aux autres. qu'elle en est séparée, qu'on fait d'abord quelque chose, et puis après, qu'on est en quelque sorte préparé pour faire autre chose. Hein, c'est pas simplement ça. En réalité, en apparence, la méditation ne porte pas sur le texte. Je ne vais pas relire ce passage, ça serait trop long, mais la méditation, dans les exemples de Saint-Victor, elle ne porte pas sur le texte. Mais quand on regarde comment la méditation est construite, on se rend compte que non seulement la méditation, mais aussi la prière, sont alimentées par la mémoire du sujet, mais pas par la mémoire du sujet en général, par sa mémoire en tant que lecteur. Il va méditer sur des choses qui ne sont pas forcément des livres, mais sa manière de structurer sa méditation va passer par ses lectures. Et c'est pareil pour la prière. La prière, ce n'est pas une prière comme actuellement. Il avait écrit un traité de prière qui est une sorte de traité de rhétorique, la manière de s'adresser à Dieu. Et cette manière de s'adresser à Dieu, à un moment donné, mobilisait pour l'essentiel les connaissances littéraires. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure la théorie de Brian Stock sur le passage donc de l'éclatement de cette lectio divina, lectio spiritualis, son rebondissement vers la lecture littéraire. Alors évidemment, ce qui est tentant, c'est de trouver quelqu'un qui pratique cette lecture littéraire et de voir si tout ça peut se confirmer. Et donc, je vais commenter un peu plus longuement Marcel Proust sur la lecture. C'est un très beau texte et je le considère comme un très grand texte théorique. Je le considère comme un des principaux traités, un des principaux arts de lecture. Alors, quelques mots sur le livre. C'est une introduction à un autre livre de John Ruskin, sur lequel Proust a beaucoup écrit. Ruskin avait fait deux conférences, l'une sur la situation des femmes, et l'autre pour soutenir le mouvement de création de ce qu'on appellerait aujourd'hui les bibliothèques de lecture publique, les bibliothèques de ville en Angleterre, ça se passe à la fin du 19e siècle. Il réunit ces deux conférences sous un titre qui est Sésame et les Lys, et c'est le livre de Ruskin qui a eu le plus de succès en Angleterre. Proust a traduit Sésame et les Lys, et il a introduit sa traduction en français, par un texte qui ne porte plus sur la première conférence, qui est un texte sur la lecture, qui connaît différents titres. Le texte est construit un peu comme le Contre Sainte-Beuve de Proust, c'est-à-dire qu'il a un début, on croirait un fragment de la recherche du temps perdu, et puis ensuite, il a un passage théorique, qui est explicitement théorique. Proust fait allusion à sa capacité de démonstration, au fait que cette fois-ci il a bien démontré que c'est établi, il le critique, il polémique, c'est un livre de théorie. Donc c'est à la fois un livre théorique et un livre littéraire, c'est les deux évidemment inextricablement mêlés, et en même temps il y a deux parties, la première partie est, disons, très littéraire et ne comprend pas, apparemment pas de considération théorique, et la deuxième partie, elle comprend ses considérations sur l'art de lire. La première partie est consacrée aux lectures de jeunesse. Proust décrit le jeune Marcel en train de lire un livre, on ne sait pas ce qu'est ce livre, et décrit toutes les situations. Et donc ce sont les pages tout à fait proustiennes. Il dit que le jeune lecteur, quand il referme le livre, on aurait tant voulu que le livre continuât. Et puis, quand il a fini de parler de ses lectures de jeunesse, voici ce qu'il dit. Je n'ai pas échappé à leur sortilège. Voulant parler d'elle, des lectures de jeunesse, j'ai parlé de toute autre chose que des livres, parce que ce n'est pas d'eux qu'elles m'ont parlé. Les lectures de jeunesse ne m'ont pas parlé des livres. Mais peut-être, les souvenirs, l'anamnèse, mais peut-être les souvenirs, qu'elles l'un après l'autre rendu. En auront-ils eux-mêmes éveillé chez le lecteur? Et l'auront-ils peu à peu amené, tout en s'attardant dans ses chemins fleuris et détournés, à recréer dans son esprit, c'est extraordinaire, ça, parce que ça c'est la diagnose, hein, c'est la reconnaissance, à recréer dans son esprit l'acte psychologique original appelé lecture. Avec une capitale à lecture et le mot est mis en italique. Alors ce passage est déjà tout à fait extraordinaire, puisque ce que revendique Proust, c'est le fait de penser de la lecture en mettant de côté les livres, en mettant de côté les textes et les livres. C'est d'ailleurs le geste théorique de beaucoup de gens qui pensent la lecture. Assez souvent, penser la lecture, c'est vrai pour les historiens, c'est vrai pour les cogniticiens, ça consiste à dire « j'oublie l'écrit, pendant un moment donné, j'oublie l'écrit ». Pour penser la lecture, j'ai besoin d'oublier l'écriture et j'ai besoin d'oublier le texte et la lecture. Et puis ensuite, il va commencer sa discussion de Ruskin, exactement au passage que je viens de vous lire. Et donc Ruskin, dans son livre, a dit « Ouvrons des bibliothèques, ces bibliothèques de lecture publique, ces bibliothèques de ville, parce que la lecture, ça élève l'esprit. La lecture, c'est bon. » Et au début, Proust va donner son objectif, c'est-à-dire sa thèse d'ensemble par rapport à Ruskin. Et on s'attend à ce qu'il brode, hein, sur ce sujet-là. Ah oui, ça élève, mais ça va être comme si... Et voilà quelle est la position de Proust sur la thèse que la lecture élève. Avant de montrer pourquoi, à mon avis, la lecture ne doit pas jouer dans la vie le rôle prépondérant que lui assigne Ruskin dans ce petit ouvrage. La lecture ne doit pas jouer dans la vie de rôle prépondérant. Enfin, le rôle prépondérant de Ruskin. La thèse et l'objectif de Proust, c'est de contrer l'idée de l'importance d'un rôle prépondérant donné à la lecture dans la vie. Alors je vais d'abord vous demander votre mansuétude, parce que si vous êtes lecteur de Proust, même si vous ne l'êtes pas, vous doutez bien que paraphraser Proust, c'est un truc, un exercice de haute voltige. Et donc, il y a cinq thèses, hein, j'ai identifié cinq thèses sur la lecture. Je vais en présenter quatre, très synthétiquement, et puis il y en a une, la deuxième. Je vous préviens, un petit clignotant. La deuxième, je vais essayer de m'accrocher au raisonnement de Proust et vous allez essayer de vous accrocher pour me suivre. Alors, première thèse, dit Proust, la thèse de Ruskin, c'est du connu, c'est du déjà vu. C'est celle de Descartes, la lecture, une conversation, bien que Ruskin aussi, pas Descartes, hein. La lecture, une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés qui ont été les auteurs de ces livres. Pensée un peu sèche de Descartes, dit Proust. Donc le thème de l'amitié, le thème de la conversation, et Proust dit pas du tout, la première thèse, pas du tout. La lecture ne saurait être assimilée à une conversation, puisqu'elle consiste à recevoir communication d'une autre pensée, mais tout en restant seul. Ruskin a fait semblant de travailler sur la lecture, mais il n'a pas été au fond de la chose. Il nous a inventé un petit récit platonicien, effectivement. Ce qui est derrière tout ça, c'est le discours égyptien du Phèdre, la critique que Platon adresse à l'écriture. Dans l'écrit, il n'y a pas de communication. Si je parle à cet écrit, il ne me répond pas. Bon, c'est la critique de Socrate à la fin du Phèdre. Donc, à juste titre que Proust dit qu'il s'agit d'un petit discours de type platonicien, puis dit bon, mais Ruskin est complètement passé à côté, parce que s'il y avait une chose à voir sur ce sujet là c'est que ça consiste, la lecture, à recevoir communication une autre pensée, mais tout en restant seul. Et après, on ne comprend pas très bien pourquoi Proust se met en colère. Bon, sur le distinguo, on voit bien ce qu'il peut reprocher négativement à Ruskin, mais on ne voit pas très bien quelle est la portée positive de cette considération. C'est après qu'on le, c'est après qu'on va le comprendre. Si je crois, je passe à la deuxième thèse. Donc, première thèse, c'est non, c'est complètement trompé, c'est communication, mais communication, on reste dans la semaine. Deuxième thèse, c'est celle-là que je vais essayer de paraphraser et de décortiquer. Mais si je crois que la lecture, dans son essence originale, dans ce miracle fécond d'une communication au sein de la solitude, est quelque chose de plus, quelque chose d'autre que ce qu'a dit Ruskin, parce qu'il n'a rien compris, il fallait qu'il dise ça. Je ne crois pas, malgré cela, qu'on puisse lui reconnaître dans notre vie spirituelle le rôle prépondérant qu'il semble lui assigner. Là, vous avez déjà entendu cette formule. Au début, la thèse générale, c'était « Pourquoi, à mon avis, la lecture ne doit pas jouer dans la vie le rôle prépondérant ?» Page 26 de l'édition Actes Sud. Page 30, « Je ne crois pas, malgré cela, qu'on puisse lui reconnaître dans notre vie spirituelle le rôle prépondérant qu'il semble lui assigner. » C'est presque mot pour mot la même phrase. Les limites de son rôle dérivent de la nature de ses vertus. Ça, on croirait bien la pharmacologie d'Ars Industrialis, hein, poison et contre-poison. Les limites de son rôle dérivent de la nature de ses vertus. Et ses vertus, c'est encore au lecteur d'enfance que je vais aller demander en quoi elles consistent. Alors j'ai dit que c'était une phrase qu'on avait déjà entendue, pas tout à fait, parce que dans la première phrase, c'était « Je ne crois pas qu'on puisse lui reconnaître dans notre vie le rôle prépondérant qu'il semble lui assigner », là c'est devenu « lui reconnaître dans notre vie spirituelle le rôle prépondérant qu'il semble lui assigner ». C'est-à-dire que, à ce moment-là, Proust situe la question de la lecture dans le cadre de la vie spirituelle. Ce qu'il dit, c'est que si on parle de lecture, si on parle sérieusement de la lecture, on doit en parler dans le cadre d'un domaine. Ce n'est pas la communication, ce n'est pas l'information, ce n'est pas la technique, dirait-on aujourd'hui. Dans ce domaine, c'est le domaine de la vie spirituelle. Et donc, je vais prendre un exemple, dit Proust. La thèse, je viens de la lire. L'exemple, je le donne, et après, il va décortiquer son raisonnement. Et je vais prendre un exemple, et je vais encore demander à l'histoire d'enfance en quoi elle consiste. Ce livre que vous m'avez vu tout à l'heure, on repart dans le début du texte sur l'histoire de jeunesse, lire au coin du feu dans la salle à manger, dans ma chambre, bon, il y a plus d'un passage de ce type. Ce livre, enfin, va vous dire quel il était. Citation. Ça, c'est la citation. Ce livre, va vous dire quel il était. Le capitaine fracasse de Théophile Gautier. Dans la recherche du temps perdu, vous avez des livres, bien sûr, et il y a un livre qui joue un rôle d'effecteur de mémoire, c'est François Lachampy de Georges Sand. Donc il n'y a pas simplement la Madeleine, la cour pavée, le bruit de l'eau dans les conduites. Il y a François de Chompy qui réveille quelque chose chez le jeune Marcel. Mais là, le texte qui est cité, c'est « Le capitaine fracasse » de Théophile Gautier. J'en aimais par-dessus tout deux ou trois phrases qui m'apparaissaient comme les plus originales et les plus belles de l'ouvrage. Le rire n'est point cruel de sa nature. Il distingue l'homme de la bête. Il est, ainsi qu'il appert en l'Odyssée de Mérus, poète grégeois, l'apanage des dieux immortels et bienheureux, qui rit olympiennement tous leurs sous, durant et loisirs de l'éternité. Ça, c'est Théophile Gautier. Cette phrase me donnait une véritable ivresse. Je croyais apercevoir une antiquité merveilleuse à travers ce Moyen-Âge que seul Gautier pouvait me révéler. Mais j'aurais voulu qu'au lieu de dire cela furtivement, après l'ennuyeuse description d'un château que le trop grand nombre de termes que je ne connaissais pas m'empêchait de me figurer le moins du monde, il écrivait tout le long du volume des phrases de ce genre et me parla de choses qu'une fois son livre fini, je pourrais continuer à connaître et à aimer. Me parle de choses qu'une fois le livre fini, je pourrais continuer à connaître et à aimer. Un trait d'humour, il y a beaucoup d'humour dans l'ensemble du texte de Proust, c'est que la citation de Théophile Gautier n'est pas de Théophile Gautier, c'est une reconstitution de Marcel Proust d'après un souvenir qu'il avait du texte de Théophile Gautier. Donc, voilà, c'est « je pourrais continuer à connaître et à aimer ». Donc, je vais lire encore ça, puis je commencerai après. C'est là, en effet, un des grands et merveilleux caractères des beaux livres, et qui nous fera comprendre le rôle à la fois essentiel et limité que la lecture peut jouer dans notre vie spirituelle, que pour l'auteur, il pourrait s'appeler conclusion, et pour le lecteur, incitation. Citation, incitation. Il s'agit de pousser en disant quelque chose. Nous entendons très bien que notre sagesse commence où celle de l'auteur finit. Le jeune voudrait que le livre continue toujours. Il voudrait que les phrases de Théophile Gautier continuent toujours. Notre sagesse commence où celle de l'auteur finit, et nous voudrions qu'il nous donnât des réponses quand tout ce qu'il peut faire est de nous donner des désirs. Ce qui est le terme de leur sagesse, sagesse de l'auteur, ne nous apparaît que comme le commencement de la nôtre. Alors, que fait l'auteur quand son livre étant fini d'être lu, il a ce tel pouvoir merveilleux d'incitation. C'est-à-dire que l'opération du lecteur commence, semble-t-il, au moment où l'auteur a fini son travail d'écriture. Qu'a fait l'écrivain ou l'artiste pour susciter, pour inciter ? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la citation dans l'écriture même ? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'incitation dans l'écriture même? Le suprême effort de l'écrivain comme de l'artiste n'aboutit qu'à soulever partiellement pour nous le voile de laideur et d'insignifiance qui nous laisse incurieux devant l'univers. Incurieux devant l'univers. Regarde la maison de Zélande, rose et luisante comme un coquillage. Regarde, apprends à voir, et à ce moment elle disparaît. Tel est le prix de la lecture, et tel est aussi son insuffisance. C'est donner un trop grand rôle à ce qui n'est qu'une initiation, d'en faire une discipline. La lecture est au seuil de la vie spirituelle, elle peut nous y introduire, elle ne la constitue pas. Alors, ce voile de laideur et d'insignifiance qui nous laisse incurieux devant l'univers. Celui qui écrit soulève partiellement pour le lecteur ce voile qui nous laisse incurieux devant l'univers. Incurieux, c'est-à-dire incuriosité, et c'est-à-dire incurie. Incurie devant l'univers. Mais en quoi consiste cette incurie devant l'univers? Quelques lignes plus loin, en décrivant des gens qui sont particulièrement incurieux, il dit « Ils vivent à la surface dans un perpétuel oubli d'eux-mêmes, dans une sorte de passivité qui les rend le jouet de tous les plaisirs, etc. » Et donc, cette incurie, en son centre, c'est exactement dans l'idée du souci de soi et du soin de soi, curia suli, curia suli animi, epimeleia eotum, etc. Bon, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que c'est ce que permet l'écriture, c'est de, à un moment donné, de suspendre provisoirement cette incurie, et c'est comme ça que l'écriture incite le lecteur. Et donc cette distinction entre initiation et discipline, la lecture est au seuil de la vie spirituelle, elle initie à la vie spirituelle, elle permet d'entrer à la vie spirituelle, elle ne peut pas se confondre avec une discipline. Alors voilà la thèse 2, qui est, moi je crois, complètement la thèse de la lecture comme technique de soi qu'on retrouve chez Proust à travers une analyse de la lecture littéraire. Je vais plus vite sur les autres thèses, bien qu'elles soient très intéressantes. La thèse 3 dit, dans certains cas pathologiques, pour ainsi dire de dépression spirituelle, la lecture peut devenir une sorte de discipline curative parce qu'elle réintroduit perpétuellement un esprit paresseux dans la vie de l'esprit. Et c'est là qu'on a cette description de l'incurie comme perpétuel oubli d'eux-mêmes. Ces gens-là, c'est une dépression spirituelle. Ils comparent la dépression spirituelle à la dépression traditionnelle, dépression nerveuse. Ils disent de quoi ils ont besoin. Ils ont besoin qu'on s'adresse à eux, mais pour sortir de cette maladie spirituelle, ils ne peuvent pas le faire dans le brouhaha avec tout le monde. On s'adresse à eux, et en même temps, ils sont dans la solitude. Et qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui réalise ça? C'est la lecture. Ça, c'est la thèse 1 qu'on trouvait un peu mystérieuse au début. La magie de la lecture, c'est cette capacité qu'elle aurait à être une sorte de thérapie de la dépression, donc non pas nerveuse, mais dépression spirituelle. Quatrième thèse, tant que la lecture initie, son rôle est salutaire. Il devient dangereux, au contraire, quand, au lieu de nous éveiller à la vie personnelle de l'esprit, la lecture tend à se substituer à elle. Ça, c'est typiquement l'analyse pharmacologique. Si on prend une technologie pour ce qu'elle n'est pas, on arrive au contraire des résultats auxquels on voulait arriver. Bon, c'est aussi embryonnairement dans Platon, avec deux formes, très très beaux passages sur la lecture documentaire des historiens, par exemple, des scientifiques. L'erreur qui consiste à ce que la vérité n'apparaisse plus comme un idéal, mais comme une chose matérielle qui est déposée dans le livre. Et puis ensuite, il faut quand même citer le cas des lettrés, c'est-à-dire le cas des littéraires. Pas l'historien qui va chercher dans les archives la démonstration qui nous permettra, le témoignage, le document qui nous permettra de créer une démonstration, mais le littéraire, le lettré. Lui, le lettré, il lit pour lire. Il lit pour retenir ce qu'il a lu. C'est très curieux comme présentation du lettré. Littéraire, lit pour lire, lit pour retenir ce qu'il y a lu. Et donc lui, il a une maladie littéraire qui est beaucoup plus grave que le premier. Et cette maladie littéraire, c'est en fait de patauger, si je peux me permettre, dans le texte, sans être réellement incité par lui. Et cette maladie littéraire, qu'est-ce que c'est? C'est vivre dans le monde de la citation au lieu de vivre dans le monde de l'incitation. C'est ça la thèse de Proust. Cinquième thèse, je vais vite maintenant. La lecture est une amitié. Donc il reboucle. Il a déjà rebouclé sur la solitude. Il va maintenant reboucler sur les autres questions, sur Descartes, l'amitié, etc. L'amitié, c'est une chose frivole. Et la lecture, c'est une amitié. Mais c'est une amitié ramenée à sa pureté première. On est une amitié de franchise, on est franc avec les auteurs qu'on lit, et ça se fait dans le silence, c'est-à-dire dans la qualité, dans cette qualité de la vraie vie spirituelle. Et donc il y a une description par Proust de son amitié avec Théophile Gautier, qui est assez poilante d'ailleurs. Il dit, je lis quand même, il y a un passage sur, si je le retrouve, je lis, vous allez voir comment. La manière qu'il a d'aimer Théophile Gautier. Donc c'est un bon garçon. C'est un bon garçon, mais comme il l'aime bien, il a beaucoup de reproches à lui faire. Nous ne pouvons qu'accuser la pitoyable sécheresse de son imagination quand il compare la campagne avec ses cultures variées à ses cartes de tailleur où sont collés les échantillons de pantalons de gilet. Bon. Donc il dit, j'aime bien Théophile Gautier, mais quand même c'est un plouc. En tant qu'écrivain, c'est quand même un truc. Mais je l'aime bien depuis toujours, et quand il fait ça, voilà. Donc il explique son amitié. Quand on aime quelqu'un, eh ben on aime ses défauts. Donc c'est l'amitié de Proust avec Théophile Gautier. Et cette amitié se traduit par excellence dans le type de société de lecture des écrivains, c'est-à-dire les écrivains entre eux forment une société de lecture particulière qui se caractérise par le fait que le vrai écrivain, ce qu'il aime, ce sont les écrivains classiques, ce sont les écrivains anciens, bon, c'est-à-dire ceux qui permettent de lire les belles formes de langue abolie, c'est-à-dire un peu comme Tignard, hein, ceux qui permettent de faire parler le silence du passé. Je lis, et j'en finirai avec les citations de Proust. Donc il compare ses œuvres en classique aux colonnes de la place Saint-Marc. Autour des colonnes roses, jaillies vers leurs larges chapiteaux, les jours actuels se pressent et bourdonnent, mais interposées entre eux, les colonnes interposées entre eux, entre les jours, elles les écartent, réservant de toute leur mince épaisseur la place inviolable du passé. La place inviolable du passé. Du passé familièrement surgi au milieu du présent, avec cette couleur un peu irréelle des choses qu'une sorte d'illusion nous fait voir à quelques pas, et qui sont en réalité situées à bien des siècles, s'adressant dans tout son aspect un peu trop directement à l'esprit. Le passé, par la littérature, s'adresse, et par la lecture, s'adresse un peu trop directement à l'esprit. Donc, j'arrête avec Proust, et vous voyez, enfin, je pense que ça conforte une idée selon laquelle on trouve chez Proust eh bien, cette manière de classique dans la tradition de la lecture collective de soi de poser les limites de la lecture, de la situer dans la vie spirituelle, de la subordonner dans la vie spirituelle, initiation avant la discipline, lecture avant la méditation, le rôle du souci de soi, du soin de soi, la notion d'incurie qu'il utilise là, et puis à la fin, le thème de la mémoire, puisque c'est ce thème qui est de toute façon central chez lui, qui revient à la fin même de l'essai sur la lecture. À un point donné de la lecture, l'œil s'écarte du texte, de la phrase, du mot, de la lettre, et aussi bien du livre, de la page, de la ligne. Il fuit le blanc de la page et se fixe ailleurs, en retour, muettement ou par les annotations, les fruits de la méditation sont réinjectés dans la lecture qui reprend. Ce tour et retour est-il facilité, soutenu, ou au contraire compliqué, découragé par le dispositif de lecture? Voilà la question par excellence de la lecture comme technique de soi. C'est cette question qu'il faut adresser à la lecture numérique. Is Google? Is Google making us stupid? Vous connaissez ce titre. Est-ce que Google nous rend stupide? C'est le titre d'un article de Nicolas Carr, qui a connu un énorme succès, non seulement aux États-Unis, où il est paru l'année dernière, en août, mais très généralement, et dont le grand mérite, pour moi, c'est d'associer la réflexion sur Google et celle sur la lecture. Dans le livre, pour en finir avec la décroissance, dans l'essai qui s'appelle « Des lectures industrielles », j'ai étudié la lecture numérique et essayé de montrer que, dans le cadre de l'espace des lectures industrielles, tel que je vous ai défini au début, elle ne permettait pas l'association de la lecture et de la réflexion. Les actes de lecture des robots et des hommes, les gloses des uns et des autres se mêlent inexplicablement. Je crains que l'oubli de la lecture comme technique de soi, c'est-à-dire l'oubli de l'association de lectio et meditatio, de la lecture et de la réflexion, soit l'effet, la contrepartie ou peut-être la condition des lectures industrielles. L'art vrai de la lecture numérique reste à inventer. Merci.